Guillaume Cayet, bonsoir. Et merci d'être avec nous sur France Culture pour présenter votre pièce qui s'appelle Proposition de rachat et que donc nous allons entendre dans quelques minutes donc sur France Culture. Alors, pour commencer cet entretien avec vous, je voudrais peut-être qu'on parle déjà du lieu, parce que vous parlez d'un espace dont on parle très peu dans le théâtre et très peu, souvent même dans la littérature, qui est la campagne. Alors, oui. Pourquoi vous venez de cette campagne Comment Alors vous moi, en parlez effectivement, je viens de cette campagne. Je suis né en Lorraine et j'ai vécu donc en Lorraine et dans la campagne Lorraine toute ma jeunesse et je suis parti étudier en ville. Mais du coup, pour moi, c'était important de trouver un territoire littéraire qui m'appartienne. Et ce territoire littéraire, je l'ai trouvé dans la campagne. C'est vraiment là que se base toute mon écriture et c'est sur ce territoire-là que je travaille. Dans toutes vos pièces, ce territoire est présent ? Alors toutes nos pièces, en fait l'idée est de faire vraiment une espèce de cartographie un peu imaginaire et qui me permette moi de créer des œuvres théâtrales. Donc effectivement tout ce territoire-là, dans Proposition de rachat, c'est une partie du territoire et toutes mes œuvres se répartissent dans ce territoire. En fait Proposition de rachat c'est donc la deuxième partie d'un diptyque dont la première partie est une pièce qui s'appelle Les Immobiles. Et Les Immobiles parlent plutôt du côté urbain. Alors que Proposition rachat parle plutôt du côté de la campagne. Donc c'est ces deux points de vue qui s'opposent. Donc là on est plutôt dans les points de vue. C'est un peu l'idée de créer un kaléidoscope dans un diptyque. Donc là on est vraiment du point de vue de la campagne et de trois dames qui s'assoient sur un banc et qui racontent l'histoire du village. Trois dames qui racontent un village en train de disparaître. Voilà, alors en train de disparaître et possiblement en train de renaître dans des paradoxes et dans des contradictions. Donc l'idée, elle est surtout de savoir dans quelle faille, dans quelle rupture on est aujourd'hui. Enfin, de dire que la campagne aujourd'hui, elle est quand même dans un endroit de rupture et que c'est dans cet endroit-là que la pièce travaille. Donc la campagne comme lieu aussi d'inspiration pour vous. Oui, exactement. Oui. Alors après, c'est plutôt ce qui est beau, je trouve, la campagne, elle a quelque chose d'éminemment théâtral puisque à la campagne, c'est beaucoup de délégués, donc des délégués du peuple, des délégués de l'État. Donc les figures aussi sont plus faciles à trouver, les délégués du public sont plus faciles à trouver. Donc pour moi, la campagne est aussi source d'inspiration pour ça. Guillaume Cayet, en fait, on l'entend peut-être pas avec votre voix au téléphone comme ça, mais vous avez 26 ans, vous êtes né en 1990, vous avez déjà écrit plusieurs textes, plusieurs pièces de théâtre qui ont été jouées ou qui vont être joué. Oui. Comment est venue l'écriture comme ça dans votre vie? En fait, j'avais un grand-père qui était boucher et je crois que j'aimais beaucoup écrire des poèmes sur sa boucherie. Et ça m'est venu assez rapidement d'écrire aussi parce que moi, dans mon village, j'étais un peu seul. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon âge, donc du coup, la littérature s'est un peu imposée aussi. Enfin, la littérature, en tout cas. Le théâtre s'est un peu imposé à moi pour ça. Et comment il s'est imposé à vous, tout seul dans ce petit village? Parce que dans mon petit village, en fait, mon père avait créé une sorte de théâtre amateur. Et du coup, j'avais l'habitude de monter sur les planches du théâtre amateur tous les hivers, puis après tous les étés. Et j'ai eu la chance, en fait, de découvrir aussi des auteurs, notamment Dario Fo, notamment plutôt après tous les auteurs de boulevard dans ce théâtre-là. Moi, après, m'a permis de me dire j'ai envie d'écrire pour ces gens-là et j'ai envie d'écrire peut-être autre chose que du boulevard, mais toujours en ayant la conscience de ces gens dans l'écriture. Et vous avez lu vous-même beaucoup de théâtre? Oui, avant mon entrée à l'ENSAT. Alors, vous êtes entré à l'ENSAT, en fait. L'ENSAT, c'est donc une école, c'est l'ancienne rue Blanche qui est installée à Lyon. C'est oui. Une école de théâtre. Il se trouve qu'il y a un département, c'est tout à fait original et rare, le département qui s'appelle donc écrivain dramaturge, qui a été créé par Enzo Corman. Et vous êtes entré dans ce département en 2012. Oui, exactement. Donc c'est un peu aussi dans ce département-là que j'ai fait mes armes et que surtout on m'a aidé à préciser ma pensée sur notamment où est-ce que je pouvais écrire pas d'une manière très normative, mais plutôt de m'aider, de m'apporter un regard, une vision, un éclairage. Vous n'êtes pas devenu écrivain à l'ENSAT? Non, pas du tout. L'idée de l'ENSAT n'est pas du tout de former des écrivains. écrivains, mais bien de prendre des écrivains déjà, alors soit en devenir, soit qui ont déjà écrit, et de travailler avec ces jeunes écrivains pour développer au mieux leur expérience. L'idée est de faire vraiment une sorte de critique, d'un dispositif critique, d'une critique collective, d'une association collective où on se réunit en laboratoire pour travailler les textes de chacun. L'idée n'est pas du tout de former des auteurs ou de normer des écritures. Et vous préparez aussi une thèse, si j'ai bien compris. Oui, alors je débute. Alors c'est sur quoi? C'est sur, alors pour le moment c'est assez vague, hein, mais c'est sur la représentation des peuples et du problème peuple dans les écritures contemporaines. Et pourquoi? Parce que la question du peuple m'intéresse beaucoup, notamment la distinction entre le populaire et le populisme, et puis aussi parce que je pense que c'est aujourd'hui très, très important de repenser cette question de peuple. Alors moi, on dit beaucoup que j'écris un peuple de campagne, et moi ça m'intéresse beaucoup, ça, cette notion de peuple de campagne, en tout cas de saisir l'endroit peut-être où le peuple peut se former, le peuple ou la multitude, ou enfin, c'est des questions encore à travailler, encore à argumenter. Dans la pièce Proposition de Rachat que nous allons entendre ce soir, ce sont des femmes de ce peuple. Ces trois femmes, elles sont trois beaux personnages de vieilles dames qui se remémorent aussi leur temps et puis qui voient le temps passer et qui... Il y a une forme de mélancolie aussi dans cette pièce. Oui, peut-être que c'est là où le regard est encore assez défaitiste ou encore assez, comme vous dites, romantique, mélancolique. C'est vrai que moi j'ai vu beaucoup, mais c'est peut-être mes grands-mères que j'écris là. D'ailleurs, elles portent le prénom de mes grands-mères. Enfin, il y a quelque chose de me dire que voilà, il y avait une sorte de mélancolie chez ces personnages d'un temps un peu révolu. Et qui me semble que, alors après, ce temps-là et cette mélancolie est en contradiction, puisqu'il y a quand même des choses du temps des cerises qui revient. Donc il y a, j'ai l'impression que oui, un peu une pièce qui travaille sur la mélancolie, effectivement, mais toujours en ayant une projection ou un idéal futur qui n'est peut-être pas encore arrivé dans ce village-là, mais qui semble poindre. Et donc ces vieilles dames se sont réunies et elles pensent être une autre vieille dame qui vient de mourir. C'est un petit peu ça, disons, le début de l'argument de la pièce. Voilà, en fait c'est le début, c'est l'élément perturbateur, c'est la mort d'une vieille dame qui vient en fait, du coup, cette vieille dame avait des terres dans le village et puis en fait son petit-fils vient et ce petit-fils est... propose de racheter une partie des terres pour construire un complexe, un center park, comme on en voit beaucoup dans nos villages, avec tout ce que ça amène de problématiques, puisqu'on voit que un center park, ça peut être une possible refonte économique, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une possible refonte sociale et politique. Donc c'était une création pour la radio, on a enregistré votre texte à Théâtre Ouvert, c'est une réalisation de Christophe Hocquet, et du coup, vous avez découvert un peu la radio avec nous. Effectivement. D'ailleurs, c'est un dispositif assez intrigant et intéressant d'avoir une lecture publique, de voir en fait la langue en premier et les corps derrière. C'est assez intéressant sur ce que ça crée, je trouve, comme territoire de langue, comme espace littéraire. C'est assez beau comme dispositif d'énonciation, je trouve. Cela vous a inspiré pour d'autres choses? Cette mise en radio, cette mise en onde? En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée d'écrire des personnages un peu, de saisir des personnages comme ces trois femmes qui m'ont assez porté, et d'avoir des personnages, des différences d'âge aussi, de différentes générationnelles. Je trouve que ça porte énormément au théâtre, notamment là, enfin on l'entendra en radio, notamment sur les voix différentes, qui je trouve amène une sorte de polysémie très intéressante. Alors Guillaume Caillet, je vous propose que nous nous mettions tous à l'écoute de votre pièce, Proposition de Rachat, qui avait été lue aussi par le bureau de lecture de France Culture, qui a été édité par les éditions théâtrales. Vous avez de la chance, vous, finalement, vous êtes lu, vous êtes édité, vous êtes mis en scène, vous mettez en scène. Oui. Oui, pour le moment, je ne sais pas si on peut parler de chance ou de travail, mais oui, en tout cas, c'est une chance de pouvoir être suivi par le bureau de lecture, d'avoir des mises en scène jouées, des textes lus. Après, bon, je sais qu'il faut pas se dire que ça, c'est un premier pas. L'important, il est que le public entende, que les textes soient de plus en plus diffusés. En tout cas, nous, on est heureux d'accompagner ces pièces de vous, Guillaume Caillet. Et on attend vos prochains textes aussi pour France Culture. Voilà, merci beaucoup. Et puis tout de suite, on écoute Proposition de rachat de Guillaume Caillet. Bonsoir.